Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e avenue à Dolbeau-Mistassini vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladoux au numéro de téléphone 418-276-4888. On va parler de saccage, mais c'est pas vraiment, on s'est pas vraiment prononcé sur le, depuis vendredi dernier sur le changement de nom de l'Impact de Montréal. Et moi, ça me fait titiller beaucoup, ça me laisse perplexe beaucoup. Et j'ai décidé d'aller avec une table ronde, d'abord avec notre expert soccer au Saint-Jean, Benoît Lavoie. Salut Benoît. Salut Danny. Et Jérémy Filosa, le descripteur de l'Impact au 98.5 et sur le réseau Cogeco. Salut Philo. Salut. Philo, première question, pourquoi? Ben, écoute, pourquoi? Faut comprendre qu'on a un nouveau président chez l'Impact de Montréal, qui est Kevin Gilmour. Et Kevin Gilmour a fait certaines promesses au propriétaire Joey Saputo. On va vous amener des nouveaux commanditaires, on va amener des nouveaux partenaires. Puis je pense que Kevin Gilmour est en train de se rendre compte que le nom de l'Impact de Montréal est un peu brûlé à Montréal puis au Québec. Pourquoi? Parce que, bon, cette organisation-là, dans le passé, a fait plusieurs choses, malheureusement, pas dans le bon sens, pas dans le bon ordre. Et j'ai comme l'impression que Kevin Gilmour s'est rendu compte que quand il allait cogner aux portes du Québec Inc., dès qu'il rentrait là avec le nom Impact de Montréal, c'était fin de non-recevoir ou à peu près. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense pas, parce que tu sais, moi, je vais juste regarder l'exemple du Crew de Columbus, là, que vous avez peut-être suivi en MLS. C'est un club qui, il y a deux ans, était à un cheveu de déménager à Austin. Finalement, ouais, le club a été sauvé par un nouveau propriétaire. C'est le même propriétaire que les Browns de Cleveland dans la NFL. Il a sondé les partisans à propos d'un possible changement de nom du Crew. Les partisans ont dit non, on veut garder le nom. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enclenché un nouveau processus pour faire construire un nouveau stade. Il a investi de l'argent dans l'équipe. Il est allé chercher des bons joueurs, dont Lucas de la Reale. Puis merci, bonsoir. Un an plus tard, le club gagne la MLS Cup. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui se pose la question est-ce qu'on devrait changer le nom du Crew de Columbus? Donc, pour moi, ça, c'est la vraie solution. Parce qu'on a vu dans le passé des franchises sportives, tous sports confondus, qui ont changé de nom, mais la gestion est restée tout croche et ça n'a pas changé grand-chose. Je prends, pour exemple, les Coyotes de Phoenix qui sont devenus de l'Arizona ou les Marlins de la Floride qui sont devenus les Marlins de Miami ou même les Devil Rays qui sont devenus les Rays de Tampa ensuite. Benoît, moi, écoute, on est d'accord avec là-dessus sur le point, puis je vais t'en amener avec Philo. Moi, je pense que le problème, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas de culture de soccer au Québec. On en a parlé, puis on l'a encore vu dernièrement. Moi, Diego Maradona, une des grosses nouvelles, puis elle figure même pas dans les 5 plus grosses nouvelles de l'année, la mort de Maradona. C'est la culture soccer qu'on doit bâtir au Québec. Et qui dit culture dit histoire. Et qui dit histoire, ben, l'Impact en a une. Deux championnats en NHL, Didier Drogba qui a joué avec l'Impact, un des plus grands joueurs, finale de la CONCACAF, l'AC Milan qui vient jouer contre l'Impact, il y avait 55 000 personnes. C'est ça. Donc, Benoît, c'est que t'en penses là-dessus, toi. Il faut l'histoire. Moi, t'as entièrement raison, Danny. Oui, je comprends ce que Jérémy a apporté au début de la démission, de la chronique, en tout cas. Moi, je suis contre ça. Pour un gars, tu sais, quand tu m'as présenté au début, Benoît Lavoie, d'Espace Soccer, c'est quoi Espace Soccer? Ça, c'est C'est un gars qui tripe soccer, qui vient du Lac-Saint-Jean, qui a parti un concept qui est pour la culture foot. Tu as parlé d'un petit pub café. Après ça, je suis arrivé sur le web. Tu m'as emmené dans tes chroniques. J'ai d'autres chroniques à un gars de la région aussi. Une autre émission qu'on fait régionale. Et puis, ça m'a emmené à avoir des accréditations avec l'Impact de Montréal, parce que je suis assez actif sur le web aussi. Mais moi, personnellement, pour un gars qui a construit le club, qui a donné un coup de main pour le soccer allemand, Espace Soccer, comme je te dis, c'est pour la culture foot. Ça a été mis en place pour ça. Pour justement un peu, entre guillemets, déniaiser le monde dans la région, un peu comment ça fonctionne, le foot mondial, en présentant les Euros, les Coupes du monde. Et puis, pour moi, qui est un gars du Lac-Saint-Jean, des régions, qui veut développer encore la culture, de voir cette histoire-là qui arrive, qui l'impact qui disparaîtrait, je trouve ça abominable là, pour un gars qui essaie encore, qui pousse encore. J'écoute les radios ici, ils ont de la misère à annoncer la game de l'Impact de la veille. Les radios, là, les plus écoutés. Philo, c'est un fait ce que je te dis là. Les régions, puis ça, je t'en ai parlé, puis pas la première fois que je t'en parle, Philo, là. Mais j'ai fait une entrevue avec Jean-François Dumas la semaine passée d'Influence Communication. La journée qu'il a annoncé que l'Impact changerait de nom, lui, il est en mesure de savoir le poids médiatique des régions, l'Impact. J'ai posé la question, l'Impact dans les régions, est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous en parlez? Il m'a dit qu'à 80%, c'est Montréal, l'Impact de Montréal. Et ça, c'est un marché à développer. La même année, Philo, les Expos de Montréal, il y avait la caravane des Expos, ils venaient à Chibougamau. L'Impact ne fait pas ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, ce problème-là, les gars, vous le ressentez en région, mais on le ressent même à Montréal. Même à Montréal, il y a plusieurs médias qui boudent l'Impact de Montréal. Pourquoi? Parce que, on refuse d'embaucher ne serait-ce qu'un journaliste qui suit vraiment le soccer pour dire, lui, il va nous expliquer comment ça fonctionne. On a une problématique à ce niveau-là. Puis l'Impact a sa part de responsabilité et de blâme là-dedans. Comme tu viens de le mentionner, c'est pas normal qu'en début de saison, on n'ait pas une tournée dans toutes les grandes villes du Québec pour amener des joueurs, pour les faire connaître, pour faire parler d'eux et tout ça. Il y a un gros travail à faire du côté de l'Impact de Montréal. Donc, avant d'essayer de dominer le monde, parce qu'on dit que là, le nouveau nom, ça va être plus un nom à connotation universelle, mondiale. Ouais, tu sais, va chercher le monde dans ta propre province avant, puis après ça, on parlera du reste. Est-ce que, Philo, t'en as déjà parlé souvent, je t'ai entendu au 98.5 mentionner, comment se fait-il qu'on n'est même pas capable à 20$ du billet avoir rempli un stade de 20 000 personnes, là, il y a la COVID cette année, là, mais avant, là, 20 000 personnes à 20$ du billet quand tu as le plus de membership, l'Association du soccer du Québec a le plus de membership, il y a un gros problème là aussi. Là. Oui, il y a un problème, puis moi je côtoie beaucoup de monde du monde du soccer. J'ai même participé à un podcast en italien ce week-end, puis je parlais aux gens qui étaient dans le podcast. Et la réalité, c'est qu'ils n'en ont rien à cirer de l'Impact. L'Impact a un gros problème, parce que les gens qui ne sont pas des fans de foot ne suivent pas l'Impact, et les gens qui sont des grands amateurs de foot ne suivent pas l'Impact non plus, parce qu'ils veulent suivre la Serie A, ils veulent suivre le soccer italien, ils veulent suivre le soccer français ou espagnol ou allemand ou anglais, peu importe. Parce que pour eux, c'est pas un assez haut niveau. Donc, on a un gros problème du côté de l'Impact. Tout ce qu'on est capable de pogner, c'est les amateurs qui sont entre les deux, qui sont ouverts d'esprit, qui veulent entendre parler d'autres choses que juste le Canadien, mais ça prend plus que ça. Et l'Impact de Montréal, c'est clair que dans leur tête, ils ont pas compris à quel point avoir au moins un joueur vedette dans ton équipe fait toute la différence. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous suivez sur les médias sociaux, là, vous suivez 2-3 affaires qui vous intéressent. Mettons que vous suivez le soccer, vous suivez, je sais pas moi, le jardinage, puis vous suivez les autos. Parce que c'est 3 sujets qui vous intéressent. Ben, vous allez avoir sur votre fil Twitter puis votre Facebook des images d'autos, puis des images de jardinage, puis des images de l'Impact. Mais si vous n'êtes pas un amateur de soccer, ces images-là, vous ne les verrez jamais. Donc, ça prend un joueur vedette qui est connu par d'autres mondes que juste les amateurs de soccer, qui va transcender son sport et qui va faire en sorte qu'il va se retrouver sur la page Facebook de la petite madame parce qu'elle, elle suit les stars et tout ça. Fait qu'elle va le voir sortir une fois de temps en temps sur son Instagram ou son Facebook, la fameuse photo de Didier Drogba au Stade Saputo. Donc, c'est comme ça que t'étends tes tentacules. Mais du côté de l'Impact, écoute, là, je veux dire, quand t'entends Olivier Renard dire la semaine passée à TVA Sports, nous, on cherche des joueurs, entre guillemets, à bon marché, ben on s'entend, là, ça excitera pas trop le peuple, ça, là. Non, puis pourtant, l'Impact de Montréal, Benoît, était bien parti après Drogba. Hein. On avait senti un vent, vraiment. Rappelle-toi quand Drogba est arrivé avec l'Impact. Il est arrivé, faut le dire, là. C'est une fleur aussi. Drogba, il voulait jouer dans le marché francophone. Jamais l'Impact s'est payé Drogba. Ouais. Tu sais, Danny, eh bien, moi, je te reviens encore avec ce que je te dis. J'ai fait des partages sur mon page de Sport Soccer qu'on nous offre une belle équipe sur le terrain. Oui, je suis d'accord avec l'histoire d'un joueur vedette. C'est vrai que c'est winner, c'est gagnant. Qu'on ait des Québécois de l'Académie de temps en temps contre mon signe, comme on a fait dernièrement, les quatre jeunes joueurs qu'on a signés. Ça, c'est génial. On garde un lien. J'ai hâte de voir le prochain nom. Pour moi, là, c'est quasiment craché sur son histoire. Ça m'amène quasiment, Danny, c'est un peu craché sur son histoire à changer de nom comme ça. Maintenant, ça m'amène quasiment à dire... La première réflexion que j'ai eue quand j'ai vu passer ça pour la première fois, c'était « Y a-t-il une vente en arrière de tout ça? » Jérémy se pose ça comme question. Est-ce que Saputo... On pourrait-tu avoir une annonce en 21? Saputo, ça départit, il y a des acheteurs. Je pose ça de même. Semblerait que non. Kevin Gilmour, c'est un gars qui arrive de l'extérieur puis qui n'a pas vraiment beaucoup suivi l'histoire de l'Impact de Montréal. Donc, lui, il n'est pas vraiment attaché au nom. Puis d'après moi, il est même surpris aujourd'hui de voir à quel point les gens résistent à ça. Écoute, j'ai posé la question sur mon compte Twitter et il y a plus de 2600 personnes qui ont répondu. Et 67% d'entre eux ont dit non, on aimerait ça garder le nom de l'Impact de Montréal. Mais c'est sûr que si vous me dites que en arrière de tout ça, il y a une possible vente ou au moins une vente partielle des parts de l'équipe, ça peut changer quelque chose. Je dis n'importe quoi, puis je pitche n'importe quoi dans les airs, puis ça n'arrivera pas, mais mettons que Saputo vendait 30% de l'Impact à Jeff Molson, puis que là, les couleurs du club deviendraient bleu, blanc, rouge, parce qu'on veut marketer ouais. Les deux ensemble. Ben là, au moins, on comprendrait un peu le but du processus. Mais là, on le comprend pas. Je parlais avec un ancien président d'un club de Montréal ce matin. J'ai enregistré un podcast ce matin. Et je le nommerai pas parce qu'il veut garder l'anonymat. Puis il disait, Philo, tu diras ce qu'il en pense. Il dit, moi, là, il dit, j'aurais compris ça s'il aurait été en MLS. S'il aurait fait ça en début, là, qui ont transféré leur club à MLS, là, j'aurais compris. Là, j'ai de la misère à comprendre. Ben, moi aussi, c'est un peu la même réflexion. Quoique, ouais. À l'époque, il en a été question à un certain moment donné, puis j'avais la même opinion. Tu sais, je parlais avec Evan Bush ce matin. Ouais. Puis Evan Bush, il dit, écoute, il dit, quand je suis arrivé à l'Impact, il dit, on n'était pas encore en MLS, mais déjà, il y avait une histoire dans cette équipe-là. Ben oui. Il dit, moi, j'ai été là pendant 10 des 25 années. C'est quasiment à la moitié. Il dit, j'espère que tout ça sera pas effacé. Il a dit, regardez bien là, autour des équipes nord-américaines. Il m'a dit ça. Il a dit, regardez autour des équipes nord-américaines de soccer, là, combien qu'il y en a qui ont véritablement une histoire. Il a dit, moi, j'en compte entre 10 et 12, maximum. Ouais. Et il dit, moi, ouais. Pour moi, l'Impact de Montréal, c'est une de ces équipes-là qui a une histoire. Donc, ouais. Il dit, je comprends pas pourquoi tu voudrais recommencer à zéro. Il y a d'autres organisations qui rêverait d'avoir une histoire de 25 ans sur laquelle bâtir, mais c'est ça. Philo, en terminant, ouais. Parce que je vais te laisser, est-ce que donc l'annonce va être faite quand? Ben, écoutez, selon ce qu'on comprend, là, tout est pas mal déjà réglé, puis ouais. Je pense que ça risque de se faire, lorsqu'on fait le lancement officiel de la saison, là, au mois de février, approximativement, moi, je pense que ça risque d'être dans ces eaux-là. Là. OK. Philo, merci. Incroyable. Merci beaucoup, Philo. Merci beaucoup. Joyeuse fête, Philo. Merci beaucoup. Benoît, reste là. Je veux te parler de Lionel Messi qui a égalé le record. Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année. Météo GBL est un moteur économique important pour santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu à Dolbeau qui génère plus de 50 emplois. Au numéro de téléphone 488-2750 Adélard Gagnon à Dolbeau Mistassini. Au numéro de téléphone 88-276-6102. Direction du club de golf de Chibougamau, Chaparral. Son personnel de golf et moi-même, Michel Allemand, son personnel général et moi-même, Michel Allemand, le directeur général pour la période des fêtes. Sommes heureux de vous transmettre que la prochaine saison pour la période des fêtes, le bonheur et la prochaine saison soit remplie à tous les amateurs de golf et de joie de notre secteur et de même à tous les amateurs de golf de notre secteur, la plus heureuse période des fêtes, tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? On est retour à danradiosport.com avec Benoît Lavoie d'Espace Soccer. Jérémy, Benoît, avant de parler de Pelé et de Messi, t'en penses quoi finalement des commentaires de Philo? Ben, c'est super. Écoute, c'est le fun d'avoir un journaliste qui est proche de même, qui est près du club. Hein. Je sais que puis en plus, c'est commentateur des matchs. Je voulais justement poser la question ce que Arcadio t'est rendu au sein de l'Impact, quel travail qu'il faisait. J'étais pas certain de quel travail au juste qu'il faisait, mais je veux dire très intéressant. Puis ça donne un point de vue montréalais, parce que comme tu l'as dit, 80% c'est montréalais l'Impact, mais nous autres dans les régions, le club Impact de Montréal, pour moi, c'est le club des Québécois. Ouais. Puis je comprends que c'est le club de Montréal, mais pour les Québécois, c'est notre club de soccer. Puis c'est l'avenue pour des jeunes joueurs qui auraient du talent, un potentiel pour aller. On n'en a pas beaucoup, mais je veux dire, c'est la place. L'Académie, il se retrouve avec des jeunes un peu partout au Québec, qui dans les sélections, des jeunes de sport-études, puis ça se retrouve là. Donc, c'est drôle, hein, mais c'est très, très, très décevant de voir qu'on dirait que ça va se faire, puis que quand on regarde là, sur les médias sociaux, Danny, c'est quasiment, 75-80% des gens sont mécontents de ça. Là. Ben, il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi, là. Hey, je te laisse, Lionel Messi qui a marqué son 643e but en fin de semaine, c'est le record de tous les... Ben, il a gagné le record de Pelé dans le plus grand nombre des buts de l'histoire du soccer. C'est pas ça, Danny. Non? C'est le record des buts dans le même club. Okay? Dans le même club, ok, ok. Ouais, okay. C'est ça, c'est encore devenu dans le même... c'est ça, c'est le record qu'il a battu, ouais. Donc, est-ce que, mais quand même, donc ça, c'est 143 buts, ça fait des buts en tabarouette, ça? Ben oui, c'est ça. Mais on a en parallèle Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui en a fait autant, sinon plus, mais dans différents clubs. Hein? Ouais. Et là, lui, Messi, c'est concentré sur FC Barcelone, la grande. Ben oui, c'est incroyable. La grande question maintenant, c'est est-ce que Messi va... Là, il va avoir un mercato d'hiver. Je ne pensais pas qu'il quitte en hiver. L'équipe a de la difficulté en championnat, mais il se retrouve quand même en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ils ont échappé le dernier match contre le Juventus. Et ils vont pogner le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Ça va être très difficile. Maintenant, est-ce que Messi va partir à la fin de la saison comme il a annoncé en début de saison? Parce qu'il a quand même une carrière de quoi? 15, 16, 17 ans avec l'FC Barcelone. C'est l'icône du FC Barcelone, Lionel Messi. Et on s'en souvient, Daniel, on en a parlé à l'automne dernier. Ça aurait été très dommage que ça finisse demain. Même avec le club de Barcelone, mais Messi est année du projet du Barça, puis le président, ça s'entendait plus trop ensemble. C'est plus une question d'argent rendu là. Messi n'est pas à court de cash, je pense. Hein. Mais écoute, de marquer autant de buts avec, avec un club comme ça, ben il faut aussi que tu restes avec ce club-là pour réussir à faire ça, tu sais. Ben non, c'est incroyable ce qu'il a fait, là. C'est extraordinaire. 650. Le record des buts de tous les temps, c'est qui? Le plus grand nombre de buts de soccer? Ben, je pense que c'est pas mal Pelé, parce qu'il y en a au-dessus de 1000, là. Mais c'est en 20 ans, là. Qu'est-ce que tu comptes? Tu comptes-tu les matchs officiels? Tu comptes-tu les matchs amicaux? Tu comptes-tu les matchs de club? Les ci, les ça? Il y en a tellement des possibilités avec les tournois qu'ils font puis tout ça. Écoute, je suis en train de réécouter justement la série de Maradona au Mexique sur Netflix. Dani, je t'encourage à aller écouter ça. Je l'ai écouté une fois, puis là, je l'ai réécouté une deuxième fois. Je retrouve des affaires intéressantes. Vraiment, la série de Maradona au Mexique, c'est incroyable sur Netflix. C'est vraiment bon, puis c'est pas trop long. Mais écoute, des joueurs comme Pelé et Messi, les Ronaldo, les grands de l'histoire, on c'est dur à comparer, mais c'est toujours le fun d'aller voir ce qu'ils ont fait dans le parcours du soccer, du football. Ouais. Benoît, on s'en parle pour la revue de l'année à la fin du mois. À la fin du mois. Notre ami Benoît d'EspaceSoccer.com. La référence soccer au 5.